بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 5 dans l'explication du livre Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima. Et c'est écrit par le Cheikh Abdullah ibn Ibrahim Al-Qara'awi. Et avec le charh de Cheikh Abdullah, de Cheikh Ahmed al-Najmi, donc, qui explique ce livre. Donc, on va continuer. On était rendu avec les conditions de la ilaha illallah. Et on était rendu à l'explication des preuves. L'explication des preuves l'explication des preuves des conditions de la ilaha illallah. Donc là, on a expliqué au dernier cours, on avait expliqué jusqu'à dalil, on était rendu à dalilul mahabba, c'est-à-dire les preuves de la condition de l'amour. Non, les preuves de la condition de l'amour. Donc c'est ça ce qu'on va commencer à expliquer tout de suite. Non, donc le Cheikh il dit ici دليل المحبة قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم والدليل من السنة ما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ومحبة المؤمن لربه هو تقديم طاعته على طاعة غيره والحرص على رضاه بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده وأن تحب ما يحب وأن تكره ما يكره وأن تذللا له وخضوعا لجلاله ورغبة فيما عنده من الخير ورهبة مما عنده من العذاب وأما محبة الله للمؤمن فهي صفة ثابتة له جل وعلا تليق بجلاله فيحب على المسلم أن يصف الله فيجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا فنؤمن بأنه يحب المؤمنين ويبغض الكافرين وأنه يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه ولا يجوز أن نتأول هذه الصفة التي هي صفة المحبة بل يجب علينا أن نؤمن بها ونمرها كما جاءت ونعتقد أن صفات الله تليق بجلاله ولا تقاس بصفات المخلوقين وإن اتفقت في الأسماء مع صفات المخلوقين فإنها تختلف في الحقائق. Donc ça c'est l'explication. Maintenant on va traduire ce passage. Les preuves que le Cheikh avait mentionnées par rapport aux conditions de la ilaha illallah, la parole d'Allah dans le Coran, le verset 165, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et parmi les hommes, il y en a qui prennent des égaux, hein, des seigneurs en dehors d'Allah. Ils les aiment comme on aime Allah. Hein, ou bien ils les aiment comme ils devraient aimer Allah. » Tandis que les croyants sont plus forts hein, dans leur amour d'Allah. Tandis que les croyants sont plus forts qu'eux dans leur amour d'Allah. Et Ensuite, il a mentionné un autre verset qui est le verset 54 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, quiconque d'entre vous yani apostasie de sa religion, alors sachez que Allah Azza wa Jal yani, il va faire venir, hein, il va venir avec un autre peuple que Allah aime et qui aime Allah, qui sont humbles envers les croyants et puissants et fiers envers les mécréants et qui luttent dans le sentier d'Allah et qui ne craignent le blâme de personne. Hein, ils ne craignent le blâme d'aucune personne parmi les blâmeurs. D'accord? Donc ça c'est la description ici par rapport au fait que Allah Azza wa Jal les aime et que Allah hein, les aime. Ils aiment Allah et Allah les aime. Donc ça, c'est la preuve hein, de l'amour. La condition pour être musulman et pour que notre témoignage de la ilaha illallah soit valide, eh bien, il faut que la personne qui prononce la ilaha illallah, elle ait de l'amour pour la ilaha illallah. Et il faut même que la ilaha illallah soit la chose qu'il aime le plus au monde. Qu'il n'y ait rien de plus aimé pour lui que la ilaha illallah. Et le cheikh explique que il y a également des preuves de ça dans la sunna et il donne comme exemple ce qui est rapporté authentiquement selon Anas radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim qu'il y a trois caractéristiques. Si elles sont dans une personne, il va goûter à la douceur de la foi. Et il mentionne la première chose, c'est que Allah et son messager sont plus aimés de lui que toute autre chose. Donc il aime Allah et son messager plus que tout au monde. Et la deuxième caractéristique, c'est que s'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Hein? Que pour Allah. C'est-à-dire, il aime cette personne pour Allah, parce que cette personne obéit à Allah, parce que cette personne est un croyant et qu'il est il adore Allah, donc la personne, il aime cette personne-là pour Allah seulement et pas pour autre chose. Hein? Et la troisième caractéristique, c'est que la personne détesterait retourner à la mécréance autant qu'elle détesterait qu'on la jette, hein, autant qu'elle détesterait être jetée dans le feu. Autant qu'elle détesterait être jetée dans le feu. Eh, mashallah, tabarakallah. Jazakallahu khairan. Ahsanallahu ilayk. بارك الله فيك جزاك الله خيرا ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب donc le cheikh maintenant il explique cette condition de la ilaha illallah et il va clarifier donc la signification de ces choses-là, de qu'est-ce qu'on a mentionné dans les versets et dans le hadith. Il dit que l'amour du croyant pour son Seigneur, ça consiste à donner précédence à l'obéissance d'Allah sur l'obéissance de quiconque autre, hein, en dehors. Ça veut dire que si tu es dans une situation où il y a un conflit entre le fait d'obéir à Allah et d'obéir à autre que Allah et que les deux ordres sont en contradiction ou bien qu'il y a un conflit entre les deux, eh bien tu dois donner toujours précédence à l'obéissance d'Allah sur l'obéissance des créatures, peu importe qui cette créature-là peut être. Hein? Bien entendu, le messager d'Allah, eh bien, il commande uniquement et ordonne uniquement ce que Allah ordonne. Donc, l'obéissance du messager, elle est également dans ce sens-là. C'est que tu dois obéir à Allah et à son messager, hein, et mettre l'obéissance d'Allah et de son messager au-dessus de toute autre obéissance. Et si, par exemple, ça peut comprendre, pour donner des exemples pour que ce soit plus clair, en islam, l'obéissance d'Allah et de son messager, ça c'est une obéissance inconditionnelle et une obéissance absolue. On est obligé d'obéir à Allah et à son messager dans tout ce qu'il nous ordonne. Mais il y a des créatures à qui Allah Azzawajal nous a ordonné d'obéir, comme par exemple le dirigeant musulman. Lorsqu'on a donné allégeance à un dirigeant, c'est obligatoire pour les musulmans d'obéir à ce dirigeant-là. D'obéir, par exemple, à nos parents, parce que Allah Azzawajal, il nous a ordonné dans le Coran d'obéir à nos parents. Et aussi, d'obéir, si une femme, par exemple, elle est mariée, elle doit obéir à son mari. D'accord? Ça aussi, c'est une obéissance obligatoire pour la femme. D'accord? Mais, par contre, l'obéissance aux dirigeants, aux parents et aux maris, c'est une obéissance qui est limitée et qui est restreinte. Dans le sens que on peut uniquement obéir à l'autorité de ces créatures-là lorsque leurs ordres ne sont pas en contradiction avec l'ordre d'Allah. D'accord? Et de son messager. Donc, c'est dans ce cas-là où, s'il y a un conflit entre les deux, eh bien, la personne doit donner précédence à l'obéissance d'Allah à chaque fois. Elle doit toujours donner précédence à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal sur l'obéissance de quiconque en dehors. Et par rapport à ça aussi, ça comprend également le fait, par exemple, que quelqu'un, par exemple, s'il a des passions ou des désirs, il ne doit pas obéir à ses passions et à ses désirs. Il doit donner précédence à l'obéissance d'Allah. La même chose aussi pour le shaitan. Il ne doit pas donner précédence à l'obéissance du shaitan sur l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Parce que le shaitan, lui, il n'ordonne que la désobéissance et le péché. Donc ça, c'est un exemple ici de la signification de ce que le cheikh a mentionné. Et il dit, tu dois avoir un désir ardent et faire beaucoup d'efforts pour satisfaire Allah Azza wa Jal et mettre en application son ordre et de t'écarter de ce qu'il a interdit, de reconnaître la véracité de ce qu'il t'a donné comme information et t'arrêter à la limite qu'il a tracée pour toi par rapport à ce qu'il a permis et ce qu'il a interdit et d'aimer ce qu'il aime. Donc, tout ce que Allah aime, tu dois l'aimer parce que c'est Allah qui l'aime. Et tout ce qu'il déteste, tu dois le détester parce que Allah l'a détesté, donc tu dois le détester. Et tu dois également faire preuve d'humilité envers Allah et de te soumettre de façon totale à sa majesté et à sa grandeur. Et tu dois aimer tout ce qu'il a tout ce qu'il t'a donné comme bien, et tu dois craindre tout ce qu'il a donné comme exemple de menace par rapport à son châtiment. D'accord? Donc tout ça, c'est des éléments qui font partie de cet amour-là du croyant envers son Seigneur. Il dit, tandis que l'amour d'Allah envers le croyant, eh bien ça, c'est un attribut qui fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal, du fait qu'il aime les croyants. Et donc, l'amour fait partie des attributs d'Allah. Et c'est un attribut, qui correspond à sa perfection et à sa grandeur, à sa majesté. Et donc, il est obligatoire pour le musulman de décrire Allah Azza wa Jal tel qu'il s'est décrit lui-même parmi les noms, les beaux noms qu'il s'est donnés et les attributs élevés qu'il s'est attribués. Et donc, nous croyons en Allah Azza wa Jal du fait qu'il aime les croyants et qu'il déteste les mécréants, ceux qui rejettent la foi. Il ne les aime pas. Il aime que les croyants. Et il récompense ceux qui lui obéissent et il châtie et il punit ceux qui lui désobéissent. Et il n'est pas permis à quiconque de déformer le sens des attributs d'Allah, peu importe quel attribut elle soit, mais en particulier l'attribut de l'amour, que certains parmi les gens de Bid'a refusent d'affirmer à Allah, hein, sous prétexte que l'amour c'est une émotion humaine. Donc ils prétendent que de l'affirmer à Allah serait équivalent à faire ressembler Allah à sa créature. Or, c'est une erreur de leur part de dire ça ou de penser comme ça, puisque l'amour de la créature, c'est un amour qui correspond à la créature, et l'amour du créateur est un amour qui correspond au créateur. Et donc, c'est un amour qui est parfait et qui n'est pas concerné ou touché par les imperfections qui existent dans l'amour des créatures ou l'amour humain, par exemple. D'accord? Il n'y a aucune imperfection dans l'amour d'Allah et il n'y a aucune comparaison possible à faire entre l'amour des créatures et l'amour du créateur. Donc, on affirme ce que Allah a affirmé et il est obligatoire d'y croire et de les laisser, hein, de les laisser tels quels. C'est-à-dire que les attributs que Allah s'est affirmé à lui-même, on les laisse tels qu'ils sont dans les textes. On n'essaie pas de déformer leur sens ou leur signification. On croit que ce sont des attributs qui correspondent à la majesté d'Allah et qui ne sont pas comparables aux créatures et aux attributs des créatures. Et on ne fait pas d'analogie non plus entre les attributs d'Allah et les attributs de sa création. Et même si elles correspondent au même nom, hein, même si elles correspondent au même nom que celles des créatures dans certains cas, mais elles ne sont pas comparables parce qu'elles sont différentes dans leur réalité. D'accord? Comme on dit par exemple, Allah, il est vivant et les créatures sont vivantes. Hein, il y a des créatures vivantes. Et la vie d'Allah n'est pas comparable à la vie des créatures, puisque la vie d'Allah est parfaite et complète et éternelle, tandis que celle de l'être humain, elle est incomplète, imparfaite et limitée. Donc on ne peut pas comparer les deux, d'accord? Même si le mot ou l'attribut qui est employé, le terme qui est employé, c'est le même, mais la réalité de la vie d'Allah est différente complètement de la réalité de la vie des créatures. Donc ça, c'est une règle générale en ce qui concerne les noms et les attributs, et y compris avec la question de l'amour aussi. Maintenant, on va passer à la sixième condition de la ilaha illallah, qui est al-inqiyad. Al-inqiyad qui signifie l'obéissance, la soumission. Et le cheikh, il a mentionné les preuves à ce sujet-là. Il dit « Dalilul inqiyad, qawlullahi subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-azabu thumma la tunsaroun. Wa qawluhu, ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا معناه صحيح وموافق لأصول الدين وتمام الانقياد وغايته عندنا أو وغايته عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به أحب إلى العبد المسلم من نفسه وولده أحب إلى العبد المسلم من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ومعنى الانقياد أن تكون منقادا لأوامر ربك وتابعا لها و منساقا إليها بإيمانك به واتباعك لما شرعه، لأنك تعلم أن الله لا يأمرك إلا بما فيه الخير ولا ينهاك إلا عما فيه الشر. والذي يدل على الانقياد من القرآن قوله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة التوبة والرجوع إلى الله، وقوله في الآية الثانية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فكونك أسلمت وجهك لله أي سلمت وجهك لله، أي سلمت اتجاهك إلى ربك ممتثلا أمره ومجتنبا نهيه، والشاهد أسلم وجهه لله وهو محسن. وفي الآية الثالثة الشاهد في قوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، والشاهد في الرابعة قوله في قوله ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، والشاهد في الحديث قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن حق الإيمان ولا يكتمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Donc ici le cheikh il explique cette condition de الانقياد qui signifie donc la soumission absolue et totale à Allah Azza wa Jal et son obéissance. Et il cite à ce sujet le verset 165 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit يعني وأنيبوا إلى ربكم, c'est-à-dire revenez repentant à votre Seigneur, وأسلموا له, et soumettez-vous à lui totalement avant que vous vienne le châtiment, puis que vous ne soyez pas secourus. Le verset suivant, c'est le verset 125 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie il dit et qui est meilleur en religion que celui qui a soumis son visage, yani son être tout entier, à Allah alors qu'il est muhsin, hein, il adore Allah Azza wa Jal avec ihsan, avec excellence, avec perfectionnement, hein, et qui s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le verset. L'autre verset, le verset 22 dans Surat Luqman, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit ce qui signifie et quiconque soumet son visage à Allah, hein, alors qu'il est muhsin, hein, il est bienveillant, il se soumet à Allah avec perfection, avec perfectionnement dans son adoration, eh bien, il s'est certes accroché à l'anse la plus solide, c'est-à-dire la ilaha illallah. Parce que l'anse la plus solide, c'est la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa. Et ensuite, le shaykh explique le verset suivant, qui est le verset 65 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie non par ton Seigneur, c'est-à-dire non, hein, Allah Azza wa Jal il jure ici par lui-même, il dit non, je jure par ton Seigneur qu'ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris comme juge dans toutes les disputes ou les désaccords qu'ils ont entre eux, puis qu'ils n'auront trouvé en eux-mêmes aucune gêne par rapport à ce que tu auras décrété, et qu'ils s'y soumettent d'une soumission totale et complète. Et le hadith qu'il a mentionné, le cheikh, rapporté par Ibn Abi Asim dans la Sunna, et Cheikh Al-Albani l'a déclaré da'if ce hadith dans Dhilal al-Jannah, na'am, et aussi Ibn Rajab Al-Hanbali dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, il a mentionné le fait que ce hadith-là, il n'est pas authentique. Toutefois, la signification de ce hadith, elle n'est pas fausse, elle est vraie en réalité. puisqu'elle est confirmée par de nombreux versets dans le Coran. Donc c'est un hadith dont la signification est vraie. Toutefois, il ne peut pas être attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que certains savants l'ont authentifié. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ici, le cheikh, il mentionne cette parole qui dit que nul ne sera croyant jusqu'à ce que sa passion soit en accord avec ce que j'ai ramené. Hein? C'est-à-dire en accord avec le Coran et la Sunna. Donc, le cheikh explique ici que cette signification, elle est vraie. Et elle est en accord avec les fondements de la religion. Hein? Et donc, c'est la soumission totale dont le but et l'objectif, hein, c'est de faire en sorte que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené comme religion soit plus aimé du serviteur musulman que lui-même, que son père, que son fils, hein, ou ses enfants, ou que tous les hommes sur terre, hein, que tout ce qui existe sur terre. Donc ça veut dire que tu dois aimer Allah et son messager et sa religion plus que tout. Et ici le cheikh, il explique que la signification ici de la soumission, hein, à l'inqiyad, c'est-à-dire que tu dois te soumettre aux ordres de ton Seigneur en suivant ses ordres et en t'alignant, hein, sur ces ordres-là dans ta foi en lui, et en suivant ce qu'il a légiféré pour toi. Parce que il dit, tu sais que Allah Azza wa Jal ne va t'ordonner que ce qui est le bien, et ne va t'interdire que ce qui est le mal. Et donc, ça c'est ce qui indique, hein, dans le Coran, yani cette soumission, hein, à Allah Azza wa Jal et à ses ordres, ainsi qu'à son messager. C'est les exemples qu'il a cités dans les versets qu'on a mentionnés. Et il dit dans le verset qu'on a mentionné en premier, dans Surat Az-Zumar, il a mentionné ici, quand tout à l'heure j'ai lu le verset, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adhabu thumma la tunsarun. Et ils ont écrit ici Al-Baqarah 165. Et je réalise maintenant que ça, c'est une erreur, puisque ce verset-là, il est dans Surat Az-Zumar. Il est dans Surat Az-Zumar, et je vais vous donner le numéro exact de ce verset-là. C'est le verset 53. Non, le verset 54, pardon. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. C'est ça. Le verset 54 dans Surat Az-Zumar. Donc, c'était pas le verset 165 dans Surat Al-Baqarah, mais bien le verset 54 dans Surat Az-Zumar. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, wa anibu ila rabbikum. Et al-inaba, ça signifie yani la repentance sincère à Allah Azza wa Jal. Mais par contre ici, Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il mentionne ce point-là et il dit الذي يدل على الانقياد من القرآن. Et je pense qu'il fait référence au verset au complet et non pas seulement au début de ce verset là, puisque anibu wa anibu ila rabbikum, ça signifie et revenez repentant à votre Seigneur, d'accord. Mais ce qui établit l'inqiyad, la soumission, c'est plutôt la suite du verset wa aslimu lahu, hein, wa aslimu lahu, puisque aslimu, ça vient de al-islam, c'est-à-dire al-istislam. Aslimu lahu, c'est-à-dire soumettez-vous, hein, à lui parfaitement ou complètement. Donc, cette partie-là, elle est extrêmement importante pour justement établir cette signification de al-inqiyad, qui est l'obéissance et la soumission. Donc, ici, peut-être que le cheikh avait manqué de mentionner cette partie du verset. Ou bien, peut-être que c'est l'édition qui a fait une erreur. Allahu a'lam. Et ensuite, il mentionne l'autre verset, le verset suivant. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. Qui est meilleur en religion que celui qui a soumis son visage à Allah alors qu'il est muhsin. Il adore Allah avec ihsan, avec perfectionnement, avec excellence. Et il dit, le cheikh, il dit, le fait que tu aies soumis ton visage à Allah, c'est-à-dire tu as soumis ton visage, c'est-à-dire tu as dirigé ton être tout entier vers ton Seigneur en mettant en application ses ordres et en t'écartant de ses interdictions. Et qu'est-ce qu'on veut établir par rapport à ce verset? C'est justement par rapport à l'inqiyad, aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, c'est-à-dire il a soumis son visage, hein, son être tout entier, parce que la partie la plus importante dans le corps d'une personne, c'est son visage. Hein? Tout ce qui représente son identité et son être, c'est reflété par son visage. C'est dans son visage qu'il y a ses yeux, qu'il y a sa bouche, ses oreilles. Hein? Et donc, c'est par ces sens-là qu'il peut justement comprendre, réfléchir et observer, analyser les preuves que Allah lui a montrées. Et justement, c'est dans son visage qu'on remarque ses émotions, son état, sa soumission, et ainsi de suite. S'il a soumis son visage et que son visage est soumis à Allah, eh bien tout son corps au complet va être soumis à Allah Azzawajal. Et donc c'est dans ce sens-là. Et si il a adoré Allah avec ihsan, ça implique bien entendu qu'il a suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des adorateurs d'Allah. Et personne ne peut adorer Allah Azzawajal d'une manière plus parfaite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux adorer Allah avec ihsan, tu dois adorer Allah Azzawajal en suivant son exemple, en suivant l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième verset, le point dans ce verset-là, c'est lorsque Allah Azzawajal dit « وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى » Encore une fois, quiconque a soumis son visage, hein, son être tout entier, à Allah Azzawajal alors qu'il est Muhsin, qu'il a adoré Allah avec ihsan, avec excellence et perfectionnement, alors certes, il s'est accroché à l'anse la plus solide qui est le témoignage de la ilaha illallah. Et donc, ensuite, le quatrième verset, yani, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, donc, ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. C'est-à-dire, puis qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent complètement, entièrement. Donc, ça aussi, ça implique al-istislam, hein? وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. C'est-à-dire qu'ils se rendent, qu'ils se soumettent complètement, hein, à ce que Allah a ordonné et ce que son messager a décrété. Le témoignage par rapport, hein, ou bien qu'est-ce qu'on peut établir par rapport au hadith que le cheikh a cité, c'est la partie du hadith qui mentionne que nul n'est croyant tant qu'il n'a pas yani, suivi ce qui a été ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que sa passion soit en accord avec ce que le messager à ramener du Coran et de la Sunna. Et donc ça, c'est en résumé, yani les preuves au sujet de la soumission comme étant une condition de la ilaha illallah. En voulant dire que si quelqu'un il dit la ilaha illallah, mais qu'il refuse de se soumettre à Allah et d'obéir à Allah et à son messager, alors sa soumission, son témoignage, il n'est pas, hein, il n'est pas valide, il n'est pas correct, parce qu'il n'a pas respecté cette condition de la ilaha illallah, hein, comme il se doit. Et le cheikh, il dit ensuite la dernière condition, qui est la condition de al-qaboul. Hein, al-qaboul, c'est l'acceptation. Les preuves à ce sujet-là, le cheikh, il dit « Wa qawluhu ta'ala, wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin, wa inna ala atharihim muqtadun, qala awalau jaitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذه الآية أو هذه الآيات تدل على أن من ترك القبول عذب لقوله فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وقوله وإذا قيل لهم وقوله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يعني فليس فيها دليل نعم فليس فيها دليل على القبول إلا من ناحية أن من ترك القبول عذب. إذن فلا ينجي العبد من العذاب إلا قبوله لهذه الكلمة، كلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه دليل على أن القبول يترتب عليه الخير الكثير في قوله صلى الله عليه وسلم فكان منها أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. فقوله صلى الله عليه وسلم قبلت الماء دليل على أن قبول الوحي منبت للأعمال الصالحة. وقوله صلى الله عليه وسلم وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، هذا مثل لمن حمل العلم ولم ينتفع به بل انتفع به غيره ممن أخذوه عنه. والقسم الثالث إنما هي قيعان لا تمسك الماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني المهم أن هذه الشروط لا بد أن تكون مقارنة للا إله إلا الله، أو مقارنة للا إله إلا الله، وإلا فإن القائل لها لا ينتفع بها إلا إذا كان قد عرف معناها وعمل بمقتضاها. أما من لم يعلم معناها أو علمه ولم يعمل بمقتضاها فإن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعه، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلمه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم. Donc on va traduire cette partie là qui est la dernière condition de la ilaha illallah. Le cheikh il dit la preuve de l'acceptation qui est al-qaboul, qu'il faut accepter la ilaha illallah, que si on ne l'accepte pas hein, eh bien, ce témoignage-là ne sera pas valide. Hein, il n'aura pas de fruits. Hein. Et la preuve de ça, le cheikh, il mentionne le verset dans Sourate Az-Zukhruf, le verset 23 à 25, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et c'est ainsi que nous n'avons envoyé avant toi d'avertisseurs dans une cité ou dans une ville, excepté que les gens extravagants parmi eux se mirent à dire, nous avons trouvé nos parents, nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il répond à ça en disant, il a dit, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, il leur a répondu en leur disant, même si je vous viens avec une guidance qui est plus droite, hein, qui est meilleure que celle sur laquelle vous avez trouvé vos parents ou vos ancêtres, et ils ont répondu en disant, nous sommes mécréants, c'est-à-dire nous renions ce avec quoi tu as été envoyé, c'est-à-dire ils refusent de l'accepter. Alors Allah Azza wa Jal, il dit, alors nous nous sommes vengés d'eux, hein, en les punissant, et regarde, hein, comment a terminé le sort des gens qui ont démenti, hein, la vérité, qui ont traité la vérité de mensonge. Et il mentionne également les versets 35 et 36 dans Surat As-Saffat, dans lesquels Allah Azza wa Jal mentionne lorsqu'on leur disait, hein, de dire « La ilaha illallah », c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eh bien, ils s'enflaient d'orgueil et ils disaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou, hein? » Donc, ils traitaient déjà le prophète de poète et de fou. Allah al-Musta'an. Et ensuite, le cheikh explique, il dit donc, ces versets-là indiquent une chose, c'est que celui qui délaisse, hein, l'acceptation de la foi et de la ilaha illallah, il est châtié. Hein, puisque Allah Azza wa Jal, il dit à propos du peuple d'Ibrahim qu'il s'est vengé d'eux. Hein, et il dit, regardez comment a été la fin et la conclusion des gens qui ont traité la vérité de mensonge. Et également dans l'autre verset, lorsque Allah Azza wa Jal dit, إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ, ils s'enflaient d'orgueil. Et il dit qu'il n'y a donc pas de preuve au sujet de l'acceptation ici, excepté du point de vue que celui qui délaisse l'acceptation sera châtié. Donc c'est ça le sens de ces arguments-là ici et de ces preuves. Il dit donc, personne ne sera sauvé du châtiment, aucun serviteur ne sera sauvé du châtiment, excepté s'il accepte cette parole et ce qu'elle implique et qu'il le mette en pratique. Et donc ça, c'est la parole du tawhid, la parole de la ilaha illallah. Et dans le hadith que le cheikh a cité à ce sujet-là, il y a également la preuve que celui qui accepte la ilaha illallah, qui accepte cette religion, eh bien, il aura comme en conséquence beaucoup de bien. Hein, il aura en conséquence beaucoup de bien, et il a comparé les hommes à de la terre par rapport à l'acceptation, justement. Il a donné l'exemple d'une terre qui accepte bien cette pluie, cette eau qui est tombée, qui est la science, et elle a retenu de cette eau et elle a fait pousser des plantes et des herbes et des choses comme ça. Donc, c'est pour dire que parce qu'elle a été une terre qui était bonne, hein, elle a accepté l'eau, c'est comme l'exemple de la personne qui accepte la révélation et qui fait des bonnes œuvres avec. Et une autre catégorie, de terre qui était يعني capable de garder l'eau. Donc les gens pouvaient profiter de cette eau-là, soit pour boire ou pour abreuver leur bétail ou bien pour faire de l'agriculture avec, hein, irriguer les champs et autres. Il dit, et ça c'est l'exemple de la personne qui a porté la science mais qui n'en a pas profité pour lui-même. Il a fait profiter les autres. Et la troisième catégorie, c'est la terre qui ne retient pas du tout d'eau et qui ne fait rien pousser. Et donc il dit, l'important c'est de savoir que yani, les conditions de la ilaha illallah, il faut les avoir avec notre témoignage de la ilaha illallah. Et que la personne qui prononce la ilaha illallah, elle ne va pas pouvoir profiter de la valeur de cette parole et de ce que cette parole-là amène, excepté si elle a connu sa signification et qu'elle l'a mis en pratique, ce qui est impliqué par cette parole. Il dit, tandis que celui qui n'a pas connu sa signification et qui, ou bien qu'il l'a connu mais qu'il ne l'a pas appliqué, eh bien, la ilaha illallah ne lui profitera pas, ne sera pas profitable pour elle. Donc on cherche le refuge en Allah contre ça. Et le cheikh il dit, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple dans le hadith, à la fin de ce hadith qu'on a cité, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari, il dit, et c'est pour ça que l'exemple de la religion, il dit ça c'est l'exemple de la religion d'Allah, hein, et de l'exemple de la personne qui a la compréhension de cette religion et qui a profité de ce avec quoi Allah m'a envoyé et qui l'a appris et qui l'a enseigné, et l'exemple de celui qui n'a donné à ça aucune importance et donc il n'a pas accepté la guidance avec laquelle j'ai été envoyé. Et donc ça c'est yani, l'explication par rapport à ce hadith qu'on a mentionné dans la condition de Al-Qaboul. Ensuite le cheikh il termine avec un point parmi les points bénéfiques à ce sujet là, il dit fa'idatun wa qad jama'a ba'duhum shurutaha as-sab'a wa zada thaminan wa huwa al-kufr bit-taghut وجعلها في بيتين من النظم فقال علم يقين إخلاص صدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. Donc ça c'est pour dire que certains parmi les ulama ont rajouté une huitième condition qui est le fait de renier le tarout ou de rejeter le tarout, hein? Et le tarout, on a déjà expliqué que c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein? Et tout ce qui est faux. Donc le fait de renier le tarout, certains ils l'ont mentionné comme étant une condition de la ilaha illallah, malgré que ça c'est déjà impliqué dans la condition de al-ikhlas. Mais yani, pour que ce soit plus clair, certains l'ont rajouté comme condition indépendante et ils l'ont rajouté comme huitième condition. Et certains ils l'ont versifié, ils l'ont mis sous forme de vers dans un poème et ils l'ont. Je pense que c'est Hafiz al-Hakami dans son livre Sulam al-Wusul. Et il dit dedans, donc il résume les huit conditions. Ilmun, la science. Yaqinun, la certitude, la conviction. Ikhlasun, la pureté. Sidquka ma'. Sidquka, c'est-à-dire ta sincérité, ta véracité. Mahabbatin, ton amour. Wanqiyadin, la soumission. Walqaboul ilaha, c'est-à-dire l'acceptation de cette parole de la ilaha illallah. Et il dit, وَزِيدَ ثَامِنُهَا الْكُفْرَانُ مِنْكَ بِمَا. Donc on a rajouté comme huitième le fait de renier, hein, le fait que tu renies. سِوَ الْإِلَهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَدْ أُولِيهَا. c'est-à-dire tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, tu le rejettes. Ça, c'est la huitième condition. Et en note de bas de page, c'est dit ici, أخذه من قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وقد تقدم الكلام عنه في أصول الدين وقاعدته أمران الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وسيأتي مزيد تفصيل للكفر بالطاغوت من آخر في آخر الرسالة لأهميته وخطورة شأنه. Donc c'est ça. On a déjà expliqué ça dans les règles de la religion, les deux principes de la religion, la foi en Allah et le rejet du tarot. Et on va rajouter d'autres clarifications à ce sujet-là à la fin de ce livre, Inch'Allah, à cause de son importance. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera au prochain cours et on va expliquer au prochain cours les annulatifs de l'islam, c'est-à-dire les choses qui annulent le témoignage de la ilaha illallah. Donc on a vu les conditions de la ilaha illallah, maintenant on va voir les choses qui annulent la ilaha illallah. Et ça c'est très important pour que quelqu'un puisse apprendre ce qui est fondamental pour que sa foi ne soit pas annulée, pour pas annuler notre foi en faisant des choses ou en disant des choses qui sont en opposition avec le fondement de la ilaha illallah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.